Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 14. Histoire de la robotique. Nanobots, proches du vivant par leur taille et leur éventuel mode d'autoreproduction, les nanorobots projetés par le visionnaire Eric Drexler promettent une révolution considérable de notre environnement immédiat et mériteraient une monographie à eux seuls. Mesurant 0,6 mm de haut et 0,3 mm de large, les micro-robots, mis au point par l'université de Linköping, en Suède, manipulent des sphères de verre d'un dixième de millimètre, se déplaçant naturellement dans le sang, les urines et tout autre liquide, dotés chacun d'un coude, d'un poignet, d'une main et de 2 à 4 doigts, ces robots pourraient se rendre utiles à notre organisme. Capables de saisir des cellules vivantes sans les endommager, ils les transporteraient au cœur de futurs laboratoires d'analyse microscopique. Mieux encore, qu'un simple robot articulé, l'équipe du professeur Montmagno, de l'université Cornell, à New York, a inventé un micro-hélicoptère capable de circuler dans le corps humain via les vaisseaux sanguins. Fin de cette 14e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.